Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire mai 68, vécu de l'intérieur. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. L'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Le leader étudiant et futur politicien Daniel Cohn-Bendit, lors de son célèbre discours du 14 mai 1968 à la Sorbonne, ce discours de Cohn-Bendit et Cohn-Bendit lui-même font maintenant partie de la légende associée aux événements de mai 68. Mais au-delà de la légende, qui sont ces jeunes militants étudiants qui occupent les rues du quartier latin de Paris en mai 68 et à quoi rêvent-ils au moment de ce grand bouleversement du printemps 68? À quoi ressemble leur mai 68 et quels souvenirs en gardent-ils des années plus tard? Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Ah, la vache. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue, les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain, et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent! Extrait d'un reportage diffusé à RTL où deux journalistes décrivent les affrontements entre policiers et étudiants à Paris le 6 mai 1968. Pour nous raconter son mai 68, je reçois l'auteur et philosophe Jean-Christophe Bailly qui vient de publier Un arbre en mai, qui est un peu justement le récit de son mai 68. Jean-Christophe Bailly est dans nos studios de Paris. Jean-Christophe Bailly, bonjour. Bonjour. Votre éditeur, M. Bailly, présente votre livre « Un arbre en mai » comme le regard d'un jeune étudiant de Nanterre sur ces événements qui vont marquer la France. On va, dans les minutes qui viennent, revenir sur le regard de ce jeune étudiant de Nanterre que vous avez été. Mais je veux d'abord entendre l'homme que vous êtes devenu. Qu'est-ce qui reste pour vous de tout ça? Quels souvenirs vous conservez de mai 68? Quelle importance ça a eu dans votre vie? Bien, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 69. Et évidemment, la distance est assez grande, mais pas telle que je crois avoir à peu près très peu oublié de ces journées exceptionnelles. Et en tout cas, elles ont été pour moi un véritable événement, au sens où plus rien n'a été après comme avant. Et je pense avoir, pas au jour même, mais dans le fil des événements, pris un certain nombre de décisions en ce qui concerne ma vie, ouais. Et notamment la décision d'essayer de me tenir à ces décisions. Et j'espère aujourd'hui pouvoir dire que bon, le jeune homme que j'étais pourrait me parler, me fréquenter, me supporter. C'est comme un marqueur, au fond, vous, oui. Une référence, où quand vous vous égarez, quand vous sentez vous égarer de ces décisions importantes que vous avez prises en 68, il y a ce petit feu qui clignote et qui vous dit « Youhou, souviens-toi de mai 68, c'est ça? » Absolument, c'est une sorte de compagnon, de petit clignotant comme ça, et il m'est arrivé comme un, disons, artiste, et que je suis écrivain, mais c'est comme un artiste, bon, d'être contacté par des gens, disons, des grandes fondations liées à des sociétés capitalistes, etc. Et il y a toujours, bon, le travail peut avoir l'air très intéressant, mais bon, au dernier moment, justement, le petit clignotant s'allume et me dit non, non. Tu vas pas là. Ouais. Alors, dans quel contexte ça commence? Quand est-ce que ça commence pour vous, mai 68, et dans quel contexte commence votre mai 68? Comme moi, j'étais étudiant à Nanterre, j'étais un petit peu dans une position où j'ai pu voir germer les choses dès le mois de mars et puis même avant. En plus, bon, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, avec partout dans le monde et aussi en France, évidemment, des mouvements d'opposition. J'y participais très activement et disons, il y avait une sorte de confluence entre l'opposition à la guerre impérialiste, comme on disait, et d'autre part, la révolte anti-autoritaire qui se passait à des niveaux un petit peu différents, mais tout ça se rejoignait. Et en ce qui me concerne, j'ai raté le 3 mai à Paris, tout bonnement parce que c'était le jour de mon anniversaire et que ma fiancée, enfin ma camarade de cœur de l'époque, elle était étudiante à Clermont-Ferrand, elle était venue me voir à Paris et ça a fait que j'ai passé la journée avec elle dans des cafés et j'ai appris les choses le soir à la radio, mais je me suis rattrapé dès le 6 mai. Ouais. On y reviendra à ce mai 68 qui se déroule beaucoup dans les rues du quartier latin, mais encore un petit mot quand même, parce que c'est intéressant, vous avez parlé du contexte de cette opposition en France, comme partout en Occident, à la guerre du Vietnam, mais je vous ramène un instant à Nanterre. Au début, là, comment vous glissez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous engagez dans le militantisme et quel genre de militant vous êtes, de fait? Ben, c'est compliqué de répondre parce qu'il y a le militantisme type 22 mars, type vraiment mai 68. C'est un militantisme très libre, très errant, un peu qui confinait aussi pour moi à une forme de promenade, hein. Un petit peu ce que les surréalistes avaient appelé l'errance. Puis c'était la promenade qui rencontrait l'émeute et puis il y avait une sorte d'empathie entre les deux. C'était comme ça. Après, comme j'ai adhéré à une organisation, disons, avec tout ce que ça peut comporter, malgré tout, de discipline, de régularité, c'était un petit peu différent, oui, dans les années qui ont suivi. Et vous étiez comme où, d'ailleurs, vous? Pour la plupart des militants. Quelle organisation vous a... Oh, ben, il y en avait un tel panel, il y en avait tellement, mais disons, j'appartenais à une organisation trotskiste, mais celle qui était guévariste, disons, c'était pas du tout une organisation tournée vers le passé et le dogme. Et c'est cette composante du trotskisme, qui s'appelait la JCR à l'époque, Jeunesse communiste révolutionnaire, qui, à Nanterre en tout cas, en liaison avec un certain nombre d'anarchistes emmenés par Daniel Cohn-Bendit et quelques autres, c'est le véritable noyau des choses. Mais ouais. Moi, je n'ai adhéré à la JCR que dans le courant des événements. Et un peu par hasard, vous dites dans votre livre, ça se fait beaucoup par... On lit, on est jeune, on est curieux, on a des lectures, on a des indignations. Et puis, il y a des gens qui nous parlent plus que d'autres, tout simplement. Oui, bien sûr. Dans mon cas, c'était évident que je ne pouvais pas, à cause de mes lectures, puisque j'étais énormément influencé par certains... Bon, comme on peut l'être à 19 ans, en tout cas par le surréalisme et des choses comme ça. Donc, c'était impensable pour moi de devenir maoïste, par exemple. Oui. Pas tant par opposition à ce qui se passait en Chine, que par rapport au fait que les maoïstes brandissaient parmi leurs références celle impensable pour moi de Staline. Ouais, ouais. Alors ça se déplace, vous l'avez évoqué déjà, de Nanterre, l'université de Nanterre, la faculté là-bas, elle est fermée. Le mouvement se déplace à Paris à partir du 3 mai. Vous allez, louper, on sait maintenant pourquoi, et on le comprend bien, le rendez-vous du 3 mai, mais vous allez bien vous reprendre, dites-vous. Comment ça se passe? Comment vous vivez au quotidien ce grand bouillonnement qui existe à ce moment-là dans les rues du quartier latin de Paris en 68? Mais c'est très particulier, puisque en fait, ça dépend de comment on vit et où on est. Moi, je vivais encore dans ma famille, donc il y avait une sorte de négociation. Ce n'est pas une autorisation de sortie, parce qu'on n'en était pas là, mais j'étais quand même très jeune. Donc, il y avait quelque chose comme ça, avec les parents inquiets, tout ça. Mais aussitôt qu'on était dans la rue, à l'époque, au début, les transports marchaient encore. Et il y avait un sentiment extraordinaire de liberté, une attente fiévreuse dont on ne savait pas trop quoi, etc. Et étrangement, je me souviens de ça, que le déclenchement de cette forme assez violente était telle qu'elle était décrite dans le document par les journalistes, qui ont beaucoup contribué à faire croire aux gens qui n'y étaient pas que c'était encore plus dramatique que ça n'était. En fait, c'était vécu de façon assez joyeuse. Ah bon? Et il y avait, oui, il n'y avait pas du tout de panique. Il y avait, d'ailleurs, dans l'extrait, on le voit, il y a un moment, il est dit, les étudiants chargent. Oui. C'est aujourd'hui une chose totalement impensable, parce qu'aussi, il y avait un effet de surprise, y compris au niveau des capacités de la police. Ils n'étaient pas entraînés. Oui. Donc, mélange de... À l'époque. Enthousiasme, idéalisme, bonne humeur, c'est un peu ça, jour après jour. Bonne humeur, peut-être pas l'expression juste, mais en tout cas, une vraie joie, oui, ouais. Une joie. Et après, c'est d'ailleurs quand le mouvement a débordé en dehors du monde étudiant, on a retrouvé aussi dans les occupations des usines, etc., ce sentiment de joie, d'avoir enlever le couvercle, quoi, qui nous oppressait, oui. Ouais. Et l'espoir de changer, au fond, changer les choses, changer la vie. Ben, bien sûr, oui, oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça, peut-être c'est imprécis, disons, mais ce n'est pas vague. Je ne sais pas comment le dire. On va parler de Daniel Cohn-Bendit. J'évoquais déjà la figure de Cohn-Bendit au début de l'émission. Vous-même, vous l'avez évoqué, Jean-Christophe Bailly. Il va être important dans ces événements de mai 68. On l'écoute dans une entrevue qu'il accorde à RTL en avril 1968. Il s'y présente brièvement, vous allez voir. Puis, il parle des ambitions qu'il nourrit pour le mouvement du 22 mars, ce mouvement né à Nanterre qui va se déplacer par la suite à Paris. Je suis né en France, à Montauban. J'ai passé une grande partie de ma vie en France. Mes parents ont été expulsés d'Allemagne, mais si vous voulez, je ne suis ni français ni allemand parce que je me fous des nationalités. Je crois qu'effectivement à Nantes, nous avons créé un courant politique. Si ce courant sera positif, s'il saura se développer, c'est-à-dire se renforcer, dit-on, surtout non pas en nombre, mais dans sa force de contestation, ce ne sera possible que si les étudiants qui deviennent ici des militants travaillent. Et ça, nous le saurons si le mouvement, si vous continuerez à entendre parler du mouvement de Nanterre, c'est que la journée aura été positive. C'est, si vous voulez, après l'année prochaine que nous saurons si ce mouvement a été une date historique ou si... Nous restons dans le cadre de l'université, alors le mouvement aurait été un échec. Alors, que représente Daniel Cohn-Bendit en mai 68, Jean-Christophe Bailly? Comment, par exemple, vous et vos camarades le percevez à l'époque? Ben, ça, je ne peux pas répondre pour la totalité des camarades, mais moi, pour le petit groupe dans lequel j'étais, disons, il était l'un des leaders, ils étaient plusieurs, il y avait Jean-Pierre Duteuil, il y en avait d'autres qui sont beaucoup moins connus aujourd'hui, mais c'était l'un des leaders du petit noyau de sensibilité anarchiste, libertaire, avec toute une élaboration théorique sur l'autogestion, enfin des choses comme ça. C'était eux qui ont été véritablement, c'est vrai, infernants. Avec aussi des gens qui n'étaient pas du tout de même obédience, etc. Mais c'est le noyau, disons, du 22 mars nanterrois. Ouais. Et il se trouve que Daniel Cohn-Bendit avait un grand talent d'orateur, une espèce d'habileté, même tactique, etc. Et puis, il a été épinglé aussi. Et à partir du moment où il a été accusé d'être l'Allemand, l'étranger et le juif allemand, au-delà de sa personnalité, il est devenu un symbole. Ouais. Et c'est vrai que je pense que le plus beau slogan de mai 68, ça a été quand même toute cette jeunesse disant « Nous sommes tous des juifs allemands ». Ça a été... C'était quand même étonnant, d'autant plus qu'il faut le rappeler, à l'époque, 68, ça fait que 23 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est encore très, très frais dans la mémoire, ce passé-là, effectivement. Et pourquoi il devient, vous l'avez un peu évoqué, c'est un brillant orateur, mais qu'est-ce qui fait que ce sera, et puis il sera arrêté, mais qu'est-ce qui fait que ce sera, malgré tout, le visage de mai 68? Oh, mais ça, c'est un peu la presse, elle a toujours besoin qu'il y ait un visage. Pour moi, le visage de mai 68... Je suis désolé, ce n'est pas du tout démagogique, mais c'est la grande manifestation d'un million de personnes le 13 mai, comme ça, qui enclenche la grève générale. C'est le visage de mai 68, c'est des millions de visages. Ouais. Et avant probablement ce point culminant du 13 mai, il y aura ceci. Allô, Jacques Paris? Bernard Choiseul, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été posées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade. Et maintenant, les barricades sont en feu. À tout à l'heure, Fernand Choiseul. Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade. Oui. La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en ce moment, de deux choses l'une, les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre, il sera pire qu'à Charonne, où la police arrête. Fernand Choiseul. C'est vraiment les yeux qui me piquent. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer. Nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer maintenant. Petit montage de la couverture d'Europe 1, des affrontements qui vont se produire donc dans cette fameuse nuit du 10 au 11 mai 1968, une nuit qu'on appellera les nuits, la nuit des barricades. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, Jean-Christophe Bailly? D'une certaine manière, on n'arrêtait pas de tourner en rond dans le quartier latin. Et on, c'était des jeunes gens de plus en plus nombreux et plus seulement des étudiants, disons. Et puis, cette nuit-là, il y avait quelque chose d'étrange, de très étrange. Sans que personne puisse dire la décision a été prise en haut lieu, il n'y avait pas de haut lieu comme ça, mais il y a eu le commencement de la construction des barricades. Quand on regarde le plan de ces barricades, elles ne correspondent absolument pas à une logique, disons, entre guillemets, militaire. Il n'y a pas de fortin, il n'y a même pas de périmètre à défendre. Mais c'est comme ça, un geste symbolique, mais très fort quand même, avec des barricades. Et là, il y avait en face, disons, du côté de la police et du gouvernement, une véritable... Ils étaient interloqués. Ça a pris beaucoup de temps. Et ce qui est extraordinaire comme moment, c'est le long temps qu'il y a eu entre, disons, l'édification des barricades, qui a pris, disons, quand même un certain temps, et puis les premières charges qui ont essayé de les... Et puis qui sont parvenues, évidemment, à les détruire et à disperser les militants. Mais il y avait quelque chose d'assez extraordinaire dans cette nuit, avant le déclenchement de la violence. Et la violence, elle a été grande, évidemment, mais pas énorme, si vous voulez, puisque, il faut le rappeler quand même, il n'y a pas eu de tir à balles, etc. On est resté dans quelque chose qui n'a pas pris de proportion dramatique ou terrible. Et votre nuit des barricades, vous l'avez vécue d'une manière assez particulière. Elle s'est terminée, en tout cas, d'une manière assez particulière. Racontez-moi ça. Mais ça concerne un petit groupe, en fait, de militants. On était une quinzaine. Donc, au moment où les charges de police devenaient de plus en plus pressantes, si on peut dire, dont les barricades avaient sauté, on se sauvait pour échapper aux coups de matraque, tout bonnement, et aux arrestations. Donc, on est entré avec un petit groupe, on est entré dans une porte cochère, puis il y avait une cour, et puis il y avait une autre porte, comme devant une église, je ne le savais pas à l'époque, en plein, disons, quartier latin, derrière le Panthéon. Et la porte nous a été ouverte, et on s'est rendu compte que c'était une bonne sœur, même la mère supérieure, et qu'on entrait dans l'église d'un couvent, et elle nous a laissé entrer, et conformément sans doute à une lecture de l'évangile qui n'est pas celle de tous les chrétiens, mais c'était le cas, elle nous a demandé de nous taire. Et c'est un moment très beau qui est apparu, parce qu'en fait, quasi au même moment, de l'autre côté de la grille, l'autre extrémité de cette église, qui n'était pas immense, sont apparues les nonnes, en fait. Mm-hmm. Et c'est l'heure des matines, et elles se sont mises à chanter, Ora pro nobis, enfin les choses du matin. Et ce chant était absolument magnifique. Et sur l'instant, enfin, moi, j'ai interprété ça comme ça, j'ai compris ça, que, alors que nous, on était dans l'énergie de l'histoire, dans quelque chose du temps cisaillé, etc., elles étaient dans un temps complètement horizontal, tout à fait autre. Et j'ai compris que c'était leur droit le plus strict aussi, et qu'il y avait une espèce de beauté dans ce contraste, et que peut-être que le sens le plus profond du mouvement, il n'était pas donné par ces jeunes nonnes, évidemment, mais il était donné peut-être par le fait qu'un cercle ne doit jamais se refermer sur lui-même, et il doit toujours laisser la possibilité d'une échappée. Évidemment, vous l'avez un petit peu évoqué, le pouvoir politique, les forces de l'ordre, mais le pouvoir politique sont un peu désarçonnés devant ce qui se passe cette fameuse nuit, mais dans ce mouvement, quelques jours plus tard, ce sera la grande grève générale, et le 12 mai, donc, au lendemain de cette nuit des barricades, le premier ministre, Georges Pompidou, s'adresse aux Français, à la télévision, mais en particulier, écoutez, aux étudiants aussi. Françaises et Françaises, j'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnistie totale. Mes appels n'ont pas été entendus par tous. Des groupes d'enragés, nous vous en avons montré quelques-uns, se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre, avec calme, mais avec gravité. Étudiants, ne suivez pas les provocateurs qui déclarent eux-mêmes se désintéresser des trois quarts d'entre vous. écouter la voix de la raison. Nous sommes prêts à entendre toutes vos revendications légitimes. Ne les ruinez pas par des excès. Alors, comment vous réagissez, Jean-Christophe Bailly, au moment où vous entendez ces paroles prononcées à l'époque par le premier ministre Pompidou? Sans vous mentir, je ne me souviens pas de ma réaction sur l'instant à avoir écouté ça. En plus, on n'était pas forcément accroché à la radio ou à la télévision. Ouais. Mais disons, en gros, c'est toujours la même technique du pouvoir, de dire « il y a des enragés, faites attention ouais. ». On entend exactement la même chose en ce moment aujourd'hui de la part du gouvernement de Macron et de l'actuel ministre de l'Intérieur. Il y a les mauvais, et puis ils sont une petite... C'est pas du tout comme ça, c'est un moyen de ne pas voir les choses. Il n'y avait pas du tout une volonté de nuire ou une volonté de détruire la société en tant que telle. Il y avait une volonté réelle de la transformer, en effet, de la reconstruire. Est-ce que ces gens-là... et ils n'ont pas changé, enfin ils ont changé, mais ils ont, c'est un peu les mêmes quand même, ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ce qu'ils appellent le désordre, c'est ce qui ne leur convient pas, c'est ce qui n'est pas conforme à l'idée qu'ils se font des choses. Ouais. Mais alors après qu'il y ait des excès et tout ça, mais il y en a dans tout mouvement insurrectionnel, c'est normal. Ouais. Vous m'avez dit au tout début de quelle manière mai 68 avait changé votre vie, de quelle manière mai 68 a changé la France, et qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui, Jean-Christophe Bailly? Disons qu'il y a eu un résultat, c'est-à-dire la lutte a été suffisamment importante pour qu'il y ait d'importants résultats, sans doute une partie des revendications ouvrières dans leur forme classique syndicale, etc. Il y a quand même eu des choses qui ont été obtenues, des acquis qui ont été obtenus, ça c'est sûr, mais c'est le moins finalement. La société a quand même été ébranlée, pas dans sa structure même, mais dans sa mentalité, si on peut dire, et quantité de choses ont été libérées. On a souvent souligné qu'en tant que tel, le mouvement de mai 68 n'était pas féministe, mais c'est quand même l'espace de temps dans lequel le féminisme a pu se libérer, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et dans la société française, quantité de choses se sont débloquées à partir de cela. Et disons que les gens aujourd'hui les plus à droite, les plus réactionnaires, évidemment font de mai 68 l'origine de tous les maux, mais c'est de leur point de vue. On ne pourrait pas dire non plus que c'est l'origine de je ne sais quelle libération ou quelle victoire, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Mais on voit bien aujourd'hui, disons, dans les formes de lutte les plus intéressantes qui peuvent exister, que ce soit en France ou ailleurs, qu'il y a une référence plutôt implicite qu'explicite, mais elle existe véritablement par rapport à l'idée de mettre l'imagination au pouvoir et l'idée de pouvoir... effectivement transformer le type de relation que les hommes ont entre eux. Jean-Christophe Bailly, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment d'avoir participé à notre émission. Merci. Jean-Christophe Bailly, auteur et philosophe qui vient de publier, je vous le rappelle, Un arbre en mai. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.